Chapitre 15. Les pèlerinages des âmes. Il y a deux pèlerinages qu'il faut avoir faits au moins une fois dans sa vie. Le premier est celui de l'Ocronan, le jour de la Troménie. Il faut faire trois fois le tour de la zone d'asile de Saint-Ronan. Le pèlerinage est manqué si l'on tourne la tête, fût-ce une seule fois durant le parcours. Il importe aussi de suivre exactement et pas à pas le trajet que faisait Saint-Ronan, sans omettre un détour, sans se laisser rebuter par fossés, broussailles ou fondrières. Des gens qui accomplissaient la Troménie isolément, pour leur compte, ont souvent entendu, sans voir personne, des frôlements dans les haies ou des bruits de pas sur les sentiers. C'étaient des âmes s'acquittant, après la mort, du pèlerinage qu'elles n'avaient pas fait de leur vivant. Il arrive parfois que le mauvais temps empêche la grande procession de la Troménie de sortir. Mais en ce cas, des cloches mystérieuses se mettent à sonner dans le ciel et l'on voit un long cortège d'ombres se profiler sur les nuages. Ce sont des âmes défuntes qui accomplissent quand même la cérémonie sacrée. Saint Ronan les guide en personne et marche à leur tête, en agitant sa clochette de fer. Une vision de ce genre a été consignée dans un des registres de la paroisse de l'Ocronan, et on les dit surnommés unanimement déclarés avoir ouï dire par leurs prédécesseurs, il s'agit sans doute de Fabricien, que l'on avait vu sortir les dictes reliques avec croix et bannière, les cloches sonnant d'elles-mêmes, et aller faire la dite procession à pareil jour du dit tour. J'emprunte cette citation à un opuscule de M. l'abbé Thomas, qui ne la donne lui-même que sous une forme tronquée, Semaine religieuse de Quimper, 1887. Quant aux dictons que je relate ci-dessus, ils m'ont été fournis principalement par une vieille marchande de fruits de Quimper, que je n'ai jamais entendu désigner que par son prénom de Naïque. Ils ont, du reste, cours dans toute la basse Cornouaille. Le second pèlerinage obligatoire est celui de Saint-Servais, en breton, Saint-Gelvestre Arpillan. Si on ne fait pas de son vivant ce pèlerinage, on est condamné à l'accomplir après la mort. On emporte en ce cas son cercueil sur les épaules et on avance chaque jour que de la longueur de ce cercueil. Dans le mur de l'église de Saint-Servais s'ouvre une cavité profonde. C'est par là que, leur dévotion terminée, les défunts rentrent sous terre. Il suffit de passer la tête dans l'orifice du trou pour entendre le frôlement des cercueils le long des parois et le bruit qu'ils font en dégringolant au fond des puits. Outre ces deux grands pèlerinages obligatoires, on mentionne encore dans la Cornouaille des côtes du Nord celui de Notre-Dame de Bulat, dans la région de Morlaix, celui de Notre-Dame du Relecq, et dans le Trégor, celui de Notre-Dame du Yodet, à l'embouchure de la rivière de l'Agnon. Qui n'a pas accompli ce dernier de son vivant est condamné à s'y rendre trois fois après sa mort. Quand on a fait vœu pendant sa vie de visiter un sanctuaire, on est tenu d'accomplir ce vœu après la mort si on ne l'a pas fait de son vivant. Mais un défunt ne peut aller seul en pèlerinage. Il faut qu'il se fasse accompagner d'une personne en vie. Il commence donc par se rendre à l'heure des morts, c'est-à-dire vers minuit, chez l'un quelconque de ses proches. Il le réveille ou lui parle à travers son rêve. C'est ce que nous montre en action, avec une poésie pleine d'étrangeté et de mystère, la belle Gwerz de Don Jean d'Erienne, Gwerziou Brézizel. Voici le passage. Don Jean d'Erienne est couché. Une voix lui parle dans la nuit. Don Jean d'Erienne, vous dormez sur la plume douce, moi, je ne dors point. Qui donc à cette heure de la nuit vient faire ce train à ma porte? Voici 3 nuits que j'ai reçu la prêtrise. Depuis, je n'ai pas dormi goutte. Je ne sais si c'est le fait du malin esprit ou des âmes défuntes. Ce n'est pas le malin esprit, c'est moi, votre mère, celle qui vous a enfanté. C'est moi, votre mère, Don Jean d'Erienne, qui suis à faire pénitence. Je suis vouée au feu et à la flamme, si mon fils Jean ne vient à mon aide. Je suis vouée au feu pour jamais, si ne vient à mon aide Don Jean d'Erienne. Ma pauvre petite mère, dites-moi, qu'y a-t-il à faire pour vous? Autrefois, quand je marchais par le monde, je promis d'aller en Espagne, en Allemagne, d'aller à Saint-Jacques d'Espagne, d'aller à Saint-Jacques de Turquie. Longue est la route, et c'est bien loin d'ici. Ma pauvre petite mère, dites-moi, pourrais-je y aller moi-même efficacement? Il serait efficace pour moi que vous y alliez autant que si j'y avais été moi-même. Eh bien, ma pauvre petite mère, je vous viendrai en aide. Dussé-je en mourir, j'irai. Don Jean d'Erienne disait à sa sœur chez elle quand il arrivait, « Préparez-moi 12 douzaines de chemises, autant de mouchoirs, ainsi que 3 ou 4 tricornes pour qu'on sache que je suis un prêtre. » Sa sœur Marie répondit à Jean d'Erienne quand elle l'entendit, « Maintenant que vous nous avez fait dépenser tout notre bien en frais d'études, vous demandez à quitter le pays? Taisez-vous, ma sœur, ne vous fâchez pas. C'est pour la mère qui nous a enfantés. Je vais à Saint-Jacques de Turquie pour ma mère et la vôtre. Taisez-vous, mon frère, restez à la maison. J'enverrai un messager, un pèlerin par procuration à votre place. Messager à ma place ne partira point. J'ai dit que j'irai, il faut que j'aille. » Une version plus complète de cette Gwerz en dialecte vannetais a été publiée dans les Annales de Bretagne. Si, au moment de partir en pèlerinage pour un mort, on oubliait de commencer par s'agenouiller sur sa tombe, on aurait le mort sur le dos tout le long du chemin. Quand le mort pour lequel on va en pèlerinage est un disparu en mer et n'a donc pas de tombe au cimetière, c'est sur les marches du calvaire qu'on doit s'agenouiller avant de se mettre en route. Jacquette Craz, de Lanmeur, pèlerine par procuration, s'est mise plus de 60 fois en route pour des morts. Chaque fois qu'elle part pour un de ses pèlerinages, elle va d'abord s'agenouiller au cimetière, sur la tombe du défunt, et frappe 3 coups sur cette tombe avec la petite gaule blanche, insigne de sa profession, en interpellant le mort en ces termes. « Vous aviez fait vœu de votre vivant d'aller en pèlerinage à tel endroit. Vous n'y êtes pas allé. Pour le repos de votre âme, j'y vais à votre place. Soyez avec moi, mais ne marchez ni devant ni derrière moi. Restez à mon côté. » Une fois, je revenais du Relecq où j'avais été en pèlerinage pour un enfant mort. J'étais partie de très bonne heure, il ne faisait pas encore jour, mais la nuit était claire et toute pleine d'étoiles. J'approchais de Morlaix lorsque, par 3 fois, je vis une robe blanche, comme en ont les anges dans les églises, traverser et retraverser le chemin devant moi. Peu après, comme j'arrivais au moulin à papier, ayant levé la tête vers le ciel, je vis 3 étoiles sauter, s'écarter, laisser un grand espace vide, comme pour faire place à une autre que je ne distinguais pas. J'en conclus que mon pèlerinage avait réussi. Jacquette Craz, pèlerine, L'an meurt. Le pèlerinage de Marie Sigorel. Un matin, comme je me levais, je vis entrer chez moi Marie Sigorel. C'était une voisine qui vivait des pèlerinages qu'on lui faisait faire. « Excusez-moi, dit-elle, est-ce que je ne vous ai pas entendu dire que vous aviez fait vœu d'aller à Saint-Sanson ?» La chapelle de Saint-Sanson, en Pleumeur-Baudoux, côte du Nord, attire beaucoup de pèlerins. « Si bien, voulez-vous que nous y allions aujourd'hui ensemble ? J'ai accepté d'y faire un pèlerinage pour un enfant qu'on avait fait vœu d'y mener et qui est mort avant que le vœu ait été accompli. « Ma foi, répondis-je, je ne demande pas mieux. » Je terminai quelques préparatifs et nous partîmes. Au commencement, tout alla bien. Mais quand nous fûmes sortis du territoire de notre paroisse, je crus m'apercevoir que la femme Sigorel traînait la jambe. « Qu'est-ce donc ? » lui dis-je. « Nous avons fait une lieue à peine et vous paraissez déjà fatiguée. » « Oui, c'est singulier. Je ne sais ce que j'ai. C'est comme si j'avais sur les épaules un poids qui devient de plus en plus lourd à mesure que j'avance. » Nous continuâmes tout de même de cheminer. Mais à chaque instant, j'étais obligée d'attendre que Marie m'eût rejointe. Elle détournait la tête sans cesse d'un air inquiet. « Que regardez-vous ainsi ? » lui demandai-je. Je n'étais pas très rassurée moi-même. Il me semblait entendre derrière nous un petit pas menu comme un pas d'enfant. Nous étions cependant toutes seules sur la route. « Est-ce que vous n'entendez pas ? » fit Marie Sigorel en réponse à ma question. « Si, dis-je, qu'est-ce que cela peut bien signifier ? » ?»« Je ne sais. Nous ferions peut-être mieux de nous arrêter. D'ailleurs, je n'en puis plus. » Il faut que je délasse mon corsage. Il me semble le sentir aussi lourd que plomb sur mes épaules. Nous nous assîmes sur un tas de pierres. Je méditais tristement. Tout à coup, une inspiration me vint. « Marie Sigorel, avez-vous été priée sur la tombe du mort avant de vous mettre en route ?»« En vérité, non. Je n'en ai pas eu l'idée. » « Oh, bien alors, tout s'explique. Si vous étiez allé au cimetière inviter l'enfant à marcher devant vous, nous ne l'aurions pas eu sur nos talons et vous n'auriez pas eu le poids de son vœu sur les épaules. J'ai eu grand tort, mais maintenant, comment faire ?» J'eusse été fort empêchée de tirer d'embarras la femme Sigorel. Par bonheur, nous vîmes à ce moment, sur le chemin, une vieille qui paraissait venir de notre côté. J'allais à elle et je lui contai le cas de ma compagne. « Vous êtes une personne d'âge, ajoutai-je. Vous devez avoir l'expérience de toute chose. Donnez-nous de grâce un bon conseil. » La vieille se tourna aussitôt vers Marie Sigorel. « Avez-vous dans votre poche, lui demanda-t-elle, l'offrande à faire aux saints ? » ?»« Oui, répondit Marie. » « J'ai les 5 sous qu'on m'a chargé de mettre dans le tronc. »« Eh bien, glissez-les dans vos chaussures, sous la plante de vos pieds, et récitez une prière pour demander à Dieu d'accroître la béatitude du pauvre ange. Vous pourrez alors continuer votre chemin sans encombre. » Nous souhaitâmes à la vieille 1000 bénédictions. À partir de ce moment, Marie Sigorel chemina librement et notre pèlerinage s'accomplit le mieux du monde. Conté par Lise Bellec, couturière, Port-Blanc.